This is when I'm gonna say it all to you. I'm gonna say everything, everything, just now. Je vais tout vous dire à présent. Écoutez bien. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Le téléphone, c'est le 05 61 53 36 95. Et en plus de cela, nous sommes le 20 septembre 2013 et il est 21h26 sur l'horloge Canal Sudienne. En anglais, à présent, this is canalsud.net or canalsud 92.2 FM dialing, local radio. It's about 2100 hours and 27 minutes, let's say. And it's the 20th of September. Je vous ai tout dit. I've said it all. We're all gonna die. Bienvenue, bienvenue sur Terre. C'est la merde. On s'encule et le foutre et partout sur les murs avec le sang mélangé, tout ça dans nos têtes. Et qu'est-ce que ça donne? Rien. Je vous le dis, moi, il n'y a rien à dire. Et c'est justement ce que nous allons faire tout de suite pour vous ce soir. Called a big joint, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Light 'em up, everybody. Just go up in the sky, flame away, flame haywire, I should say. You know what I mean? On les appelle les machins, les agents machins, en pleine polémique d'un projet d'externalisation et certains services EDF, machin, menace de procès et mise à pied. Moralité. Les machins, ça a pas bon augure franchement tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Enfin c'est pas très clair, mais peut-être que je peux comprendre. Moi. Mais toi, tu comprends? Non, je crois pas. Et c'est justement ce que je suis en train de dire. On comprend pas, toi comme moi. C'est là où je voulais en arriver. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Non mais, c'est pas la peine de saturer. C'est inaudible. Inaudible. Il nous dit que c'est inaudible, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un menteur. Serait-ce celui qu'on croit? Qu'on croise? Amplement pas. Les deux, je veux dire. C'est sûr pas. Allez. À bon entendeur. L'horreur, l'horreur, l'horreur est de ce monde. Non mais c'est pas la peine de s'énerver. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Thank you. Alors je disais justement au mec, tu m'écoutes pas. Et le mec il me dit, mais non, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu disais ? Alors moi je lui explique, tu m'écoutes pas mec. Le mec il me dit, mais non, t'as tort, c'est pas vrai. Non mais quoi ? Alors moi je craque et je lui dis ta gueule. Et c'est là qu'il s'énerve, tu m'étonnes. Il y avait vraiment de quoi. Alors, plutôt que de se boursouffler l'anus, on ferait mieux tucer des sucettes à l'anis. Bienvenue, Hémorroïde Halal est là pour vous ce soir. Hémorroïde Halal aime les hémorroïdes comme il aime Al. Al sème les hémorroïdes. Les hémorroïdes sèment Halal. Ce n'a ni queue ni tête. Boursouflure. Boursouflure. Non, boursouflure, c'est pas le mot. Tribulation. That's when the guy tells me, you're nothing but an asshole. I say, fuck, man. Fuck. I mean, what the hell? Did I say that to you? Did I say you were just an asshole? I didn't mean it. No, it's true. See what I mean? See what I mean? I mean, being an asshole is not the point, you know? It's not like we were something else but assholes, you know, then I don't really know what I'm saying anymore. It's kind of a fact. I've never known anything, in fact. Welcome to this show. This is a show where a depressed guy will fuck himself in the ass for you tonight. Yes, once more. This is a new season of the stupidest show on earth. The fucked upest, most crummiest, stinkiest pothole of a fuck ass wipe. I mean, you know, as in cunt. I mean, like, you know, carte blanche, quoi. Non, perte noire. Ouais, perte noire plutôt, ouais. Alors, c'est à ce moment-là que le mec il me dit, mais non. Moi, je lui dis, ah ouais, d'accord. J'ai compris, ok, c'est bon, ben. Bon, d'accord, alors. Ok, non. Non, mais je veux dire, tu vois, non, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Non. Alors, le mec, il me dit, mais non, c'est pas possible. Mais moi, j'ai dit, si, je te jure sur la tête de toi. Je te jure sur la tête. Spéciale dédicace à mon maman et ma papa que j'aime pas. Mais bon, il m'aime pas non plus alors. On est quitte. Ceux qui veulent entendre un morceau chanté par un gamin de 4 ans, et ben vous êtes mal tombés. Je n'ai pas 4 ans et je ne suis pas un gamin et je ne vais pas chanter une chanson. Allez vous faire foutre. Si vous voulez entendre des stéréotypes, changez de wagon. Vous n'aurez que des monotypes. C'est la merde. Nous ne travaillons pas en quadriphonie ici, nous sommes encore à l'ancienne. Et nous nous sommes toujours fait Vous voyez ce que je veux dire. Non, mais tu peux pas ça, tu peux pas dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire ça encore comme ça. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi je l'ai dit alors? C'est bien qu'il faut le dire, non? Il faut savoir s'exprimer dans la vie. Alors j'ai dit quoi déjà? Il semblerait que la mémoire du sujet soit affectée par le travail. La mémoire de travail, je veux dire. Soit affectée par le sujet. Il semblerait que la mémoire du travail du sujet soit affectée. Encore une fois, il y a deux façons de le faire. La bonne et la bonne. La mauvaise façon, c'est la troisième façon de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Écoute, c'est pas en comprenant qu'on va avancer, merde. Il faut savoir ce qu'on comprend pas. Tu vois ce que je veux dire? Oh non, je l'ai encore dit, merde, je veux dire. Mince. Il va falloir que je recommence au début. Allez, on recommence au début. Bon, le début, c'était quoi? C'était merde, je crois. Merde, t'es enceinte. Genre, tu vois celui-là? Donc ça, c'était le début. Et la suite, c'était quoi? Merde, faut essuyer ses couches. Qu'est-ce qui reste? Le rien ou la rien, comme on veut. Et c'est là que je dis merde, mais c'est vous les riens. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est un peu compliqué. On a 2 heures pour développer. Enfin, 1h40. Allez, 1h20 pour être précis. Vous êtes donc les malvenus. Ça, on le savait déjà. En cette première émission de la saison. Dieu merci. Point de flatulence non plus. Beaucoup de silence alentour. Finalement, c'est à ce moment-là qu'on peut se calmer et se raisonner. La la la la la. C'est à ce moment-là qu'on se dit con. Ah, on est con quand même, hein. Ah, qu'est-ce qu'on est con alors? C'est clair, on peut conquer comme ce qu'on fait, tu vois ce que je veux dire? Et on peut aussi biter, quoi. Donc on peut conner ou biter, c'est génial. En fait, c'est mieux quand il y a du monde. Parce que comme ça, c'est pas moi qui dis des conneries, elle. C'est les autres. Du coup, c'est leur faute. Là, c'est ma faute, c'est la merde. On va trouver autre chose. God, where have I fucked the last time? I mean, who did I fuck? Where? What? Whatever, you know? Wherever, whoever, I don't care. But fuck, you know, fuck. See what I mean? So I'm saying, dear God, fuck. And what the fuck does that mean, you know? I'm like, shit. Fuck that. So I'm like, fuck that, and everything matters, and I don't care. And that's just the thing about it, you know? So it goes on, just wanna being, you know? Wanna being, voulant être. Et ça continue, voulant être. Mais non, c'est à ce moment-là que ça sature. Et il faut pas, parce que ne pas saturer, rouge, entre parenthèses, les micros. Sinon, réception sur FM inaudible. Oui, ce mot a raison. La FM de nos jours est inaudible. C'est de la merde ce qui passe à la radio, faut avouer, regardez. Vous voyez ? De la merde. De la grosse merde. Et quand même, faudra dire un jour ces choses-là. Lassement. Peut-être. Ou jamais. Mais c'est tout, c'est comme ça. Donc il y avait un jour où j'encontre un mec aussi, et c'est super intéressant, c'est quand le mec il commence à me dire. Et c'est à ce moment-là que je m'encule. Sauf que il y a un truc qui va pas dans l'histoire, c'est qu'il manque une partie, alors... Le 05 61 53 36 95, c'est toujours le numéro de l'antenne. Going down the park, it's everywhere. No, not like I'm saying anything, but it still happens to be truth. See what I'm cutting up? Just cut away, cut the streaming. Dot like form, it's rhythm. I know you've never been the ones. You're solely one. Solely. I mean, like in alone. We're everywhere watching you. You will die. You will die one day. Or one evening or one night. You see what I mean? You got the message. I'm watching you. I'm in you. I can see everything. Everything but myself. I hate the situation. La situation est minable. Il faudrait mieux putréfier la réaction en une oblitération de conscience. Point à la ligne tabulation majuscule foutre point d'exclamation merde virgule j'en ai marre point d'exclamation où est le pied point d'interrogation. Pied du maître, je veux dire. Où est le maître ? Que je me mette à son pied. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la théosophie, de l'idéologie politique actuelle qui remonte à l'ancêtre, celle d'une masterisation, je devrais dire peut-être, de la spéculation en matière de spiritualité. Tout est possible, nous le savons déjà, et nous ne l'avons jamais appliqué. Pourquoi nous enfermer dans un carcan compresseur alors que la résurrection n'est jamais lasse de nous voir mourir ? On peut se demander pourquoi. Quand même. certains, la non-production est toujours... Ah, c'est quoi ce bordel derrière là? Je m'entends pas parler. Je veux m'entendre pour l'éternité. Mourir. Pour l'éternité, t'as vu quoi? Ah, c'est l'horreur. Gerber. Allez, on passe à autre chose. Voilà, donc c'était bien, hein. C'était pas mal. Ouais, ça a pas duré longtemps, mais c'était bien quand même. Suivant. Change pas trop en fait. En même temps, c'est ça qui est bien, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu comprends, Al? Ouais, carrément, Al. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Bah ouais, c'est bizarre, non? Ouais, je sais pas, je comprends pas non plus, mais on va dire que c'est normal. La poésie ou la mort. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas très clair tout ça. Excusez l'inaudible. Disons qu'en matière d'inaudible, nuisance fait quand même fort, je trouve, parfois, que ça fait fort en matière d'inaudible. Mais pas tout le temps. Il faut avouer que c'est assez disparate comme truc. Donc bah, j'essaie de broder quoi, vous voyez c'est chiant ce qu'il y a derrière. Alors, moi je suis pas chiant, vous voyez, je suis vachement intéressant. Et donc bah, c'est pas encore 10h, donc je vais me permettre de me dire à moi-même, je vais dire à moi-même que ça parle de Sodome et Gomorre. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi de caca, beaucoup. Oui c'est vrai. Je suis pas trop urlo, mais allez on peut ouvrir vers la discussion, quoi, le dialogue, je veux dire, en matière d'urologie. Boire ma pisse a toujours été une passion formidable, comme boire mon sperme, j'aime. Je veux dire, et la piste pourquoi pas, après tout je suis ouvert à tout. J'aime la bière aussi. Quoi, t'as quelque chose à proposer? Non, c'est toi qui m'as demandé, je veux dire, ça me regarde pas, hein, pourquoi tu me demandes ça, mais je te réponds moi, tu vois. Et toi? Tu m'as demandé ce que j'aimais. J'ai répondu, je veux dire, le goût du sperme, pourquoi c'est, ça te pose un problème? Non mais mon sperme, t'inquiète pas. Quoi, c'est dégueulasse? C'est pas dégueulasse. C'est cool. Je veux dire, c'est pas comme si c'était l'enfer, quoi. Où j'étais accro à ça, tu vois, tous les jours, tous les deux jours, toutes les heures, tu vois, c'est un peu la merde. Enfin, tu vois, oui, d'accord. Je me tais. C'est mieux ce qu'il y a derrière, en fait. D'ailleurs, je vais mettre devant. Bon, ce soir, c'est l'école du cirque, alors. Je vais faire court, mais bref. Parfois, on peut être trois. Et dans mon anus doré, il pullule des rats. Mais pourtant, toujours le foisonnement. Qui rature l'obsessionnel, en pâture les feuilles mortes du virtuel. Réalité, réalité, quand tu me tiens par les couilles, je veux pas d'embrouille, va te faire mettre, j'ai plus de tête. Divinité, divinité, je m'encule, ça me fatigue pas, ça me rassure pas, mais c'est pas la ruse, comme la vie, qui part, pour l'instant. D'un trou béant, le rien. Bon ben voilà quoi, c'était cool hein. C'était bien hein. Ouais, je sais, ouais. Merci. Bon bah j'ai envie de dire minable. Et aussi flatulence toujours. Toujours pas dans cette émission première de la saison sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Nuisance vous accueille tous les vendredis de 21h à 23h. Comme je vous ai dit donc pour le reste de la saison, nous l'espérons. Sauf si ça nous saoule et qu'on vienne pas. Ou qu'on se blesse. Ou qu'on nous blesse. Ou que il n'y ait plus d'antenne. Ou que un nuage électromagnétique ait brouillé les pistes. Enfin, hormis ces cas-là et d'autres, bien d'autres, nous serons là pour vous. Entre 21h et 23h, les vendredis, sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Téléphone 05 61 53 36 95. Vous êtes les malvenus. Nous avons décidé de changer un peu les pistes en brouillant les antennes. Toujours la possibilité qu'il y ait de la saturation dans l'air nous a ouvert vers un inaudible autre que celui que vous entendez d'habitude. Celui de la chirurgie. Ouais, j'aime bien, ouais. Ouais. Imaginez l'éternité avec ça dans la gueule, l'enfer quoi, pour vous ce soir dans Nuisance. Pour l'éternité, la mort. Thank you. the weather spot. The weather spot is insanely cupid. Miserability is always possible. You got the nomism. You got to name it all. You got to throw it all in the trash can and burn it, you know, like a car. And that's when you call the fire people. The fire people are good for you. They go wow, wow, and they laugh at your faces with shit. Yeah, I mean, it's true. It's true. Why would I lie to you? Why would I lie? I mean, it's not like it was 10 o'clock already. C'est pas comme si c'était 10 heures et que je pouvais enfin dire enculé. C'est pas pour ça que je me plains tout le temps. C'est pas pour ça. C'est pour une autre raison. C'est mon papa et ma maman. Ils m'ont fait chier dans des couches culottes. Et je trouve ça dégueulasse, les couches culottes pleines de merde. C'est dégueulasse. Merde. Il n'était pas 10h. Il était 9h en Angleterre ou je sais pas où, genre en Allemagne ou je sais pas où. Tu vois ce que je veux dire? Donc merde quoi. Je vais recommencer dans une heure à parler de ma merde et de mon foutre et de mon trou du cul. Parce que c'est justement de ça que je ne veux pas parler. C'est justement cela que je ne veux pas mentionner. Et c'est justement pourquoi nous sommes justement absconses et illettérés. Illettrés. Des symboles. On a perdu les symboles dans le temps. Le temps de l'absconce territoire est inadversement soumis à la loi de l'éternité. Why have you done this to yourself? Hate changes things. Hate makes you feel something. Something. At last. Finally. Enfin. Je ressens quelque chose. La haine. Du tabac au fond de la gorge, c'est dégueulasse. Oh merde, c'était allumé l'antenne. Ah oh, c'est con. Ah j'ai une grosse connerie, c'était vraiment important ce qu'on entend. Tout ça quoi, la vie, je veux dire. C'est important, vous voyez ce que je veux dire. Alors toujours dans le business d'accord des émissions de merde, qui dit le plus de conneries à la minute. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Sur Canal Sud 92.2 FM, honte à elle, radio libre, honte de diffuser des émissions pareilles. Pardon, excusez-moi, j'ai pas payé ma cotise, je la bouffe publiquement, ça va venir. Bientôt. Association Loi 1901. Canalsud.net sur le web. Web avec les grosses araignées velues et tout. Toile, la toile d'araignée. Viens sur le web, petit machin. Je vais te bouffer les entrailles avec de l'acide gastrique. De l'intérieur. Ouh, ça donne envie. Hein. Moi j'aime bien ce truc. J'aime bien parce que ça donne envie de s'accrocher à quelque chose, quoi. De coller à son idée, quoi. De vouloir vraiment quelque chose d'important. Ça c'est vraiment une idée, quelque chose, c'est une idée folle de joie, je veux dire. Folle de joie, cette idée, ou fou de joie, tu vois. Ce concept. C'est fou ce qu'on peut dire comme connerie. Moi surtout. qui me dit. Il me suffit de rester. Thank you. bienvenue à tous les auditeurs qui viennent d'arriver. Il est 22h15. C'est le 20 septembre 2013. C'est également la première émission de la saison pour l'émission Nuisance. Bienvenue à tous les canals sudiens, car vous écoutez Canal Sud et sur le 92.2 FM ou sur le canalsud.net. Je crois. Téléphone 05 61 53 36 95. Occupé pour l'instant en direct d'Auvergne, la profonde Auvergne. Voilà. Et également en direct de Toulouse, France, au 40 rue Alfred Duméril, au 31-400 Toulouse. Canal Sud, une radio libre ou mourir. Le bruit est à l'honneur dans Nuisance, c'est pour ça que ça s'appelle Nuisance. De l'anglais nuisances, what a nuisance, par exemple, quelle nuisance. Qui vient du mot noise, qui vient du mot noise, faire du noise à quelqu'un, par exemple, ou à quelque chose, genre un animal, ou une plante, une noise, comme les noisettes, mais c'est pas la même chose. Comme tu me casses les couilles, tu vois ce que je veux dire? Within, you know, it's like when you look at yourself in the mirror and you see shit every morning, every single morning. Chaque matin, on se réveille, on se regarde dans la glace, et qu'est-ce qu'on voit, hein? De la merde, c'est ça que je dis. Tu vois pas ce que je veux dire? Thank you. is what causes conditioning. L'environnement, c'est ce qui cause le conditionnement. Environment is what causes conditioning. L'environnement est ce qui conditionne, cause, pardon, conditionnement. Environment is what causes conditioning. L'environnement est ce qui cause le conditionnement. I say fuck the environment. Merde à l'environnement. Ça explique beaucoup de choses. Said hate. I say hate. Hate is not the word. But neither fuck is the word. Fuck is all. Fuck is all. Yeah, fuck is all. Il est à peu près 22h30 et vous écoutez l'antenne de Canal Sud 92.2 FM en direct. L'émission Nuisance bat son plein. On dirait pas, je sais, mais c'est pourtant le cas. Sur le Canal Sud de 92.2 FM ou le www.canalsud.net. Téléphone le 05 61 53 36 95. Et Canal Sud est une association à loi 1901 et à but non lucratif. Nuisance, c'est quant à elle une émission d'expression libre et de musique, pardon, bruitiste, comme le bruit, communément appelé noise music. Les musiciens noise sont appelés des noisiciens. Et voilà quoi. À part ça, pas grand chose à dire. Le mec qui me dit alors pourquoi tu fais ça, et ben moi je lui dis parce que j'aime bien, voilà, c'est tout, j'aime bien, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, voilà. Thank you. respiration quand tu nous tiens dans les pattes d'un chien. Nous ne sommes que poussière, il paraît. Quelque il paraît nous satisfait ce qu'on peut. Pas ce qui peut faire. Faire. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM si vous venez d'arriver. On n'entend plus rien parce que tout le monde a arrêté. Et je n'ai plus rien à dire parce que je suis en décalé. Et en décalé grave. Si tu veux danser, c'est le moment. On te voit pas. Et tant mieux. Thank you. du soleil et des babas, la la dire la dada. Des babas cool, on n'en veut pas, la la dire la dada. Qu'ils aillent tous se faire enculer, la la dire la dada. Les hippies sont bien morts à chier, la la dire la dada. Les babacools ils sont tous morts, les vrais je veux dire ouais. Et les autres sont des cadres sup, ouais ouais je veux dire ouais. Ils sont bien morts ceux que je veux dire, les vrais, les vrais, les vrais. En enfer. J'ai dit l'abscons. Mince, où as-tu ça? Dans ta poche? En abscons territoire adverse. Adversité. Adversitance. Par adversitance, t'aurais ça? En territoire abscons. Canal Sud, il est 23h le 20 septembre 2013, 23h04 sur l'horloge de Canal Sud et 30 secondes, je viens de m'en apercevoir, c'est incroyable, comme le temps passe vite. Ça fait donc à peu près 1h40 que ça dure, voilà, enfin c'est pas tout à fait ça qui s'est passé au début. Comment dire peut-être en faisant ça, je... voilà, donc c'est bientôt la fin de l'émission, j'en suis désolé, bientôt. Je ne saurais exactement vous dire à quel moment. J'aimerais vous prévenir qu'après, ce sera de la radio à peu près inéquivalente à celle que vous venez d'entendre. Dans le sens que ce ne sera pas à censurer comme toute l'émission de merde que vous venez d'écouter. Censurer cette émission de merde dans votre esprit, de votre esprit devrais-je dire, pour vous permettre enfin de lâcher prise sur tout ce stress environnant, j'ai toujours envie de dire. Voilà, donc on va écouter des baleines qui chantent, un chant d'amour. Un chant d'amour néophyte ou népiophile, je me souviens plus. Bonne écoute sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est l'émission de Nuisance, Nuisance qui est bientôt terminée. Vous aurez ensuite une programmation diverse et variée sur l'antenne du www.canalsud.net ou Canal Sud 92.2 FM sur la région toulousaine. Au 40 rue Alfred Duméry, 31 400 Toulouse, téléphone le 05 61 53 36 95, j'espère que vous avez noté. Il est 23h06 minutes. Il nous reste à peu près 1000 teras de bandes à passer avant que la Terre ne soit tournée en rond. Jeu de bourrique, je ne comprends pas ce que je dis. Je m'en fous. Bon, c'est pas bientôt fini? Bon. C'est pas bientôt fini ce bordel? Nous voudrions donc remercier tous les participants à cette émission le 20 septembre 2013 à 23h10 à Toulouse. Et je peux pas tout faire, moi je peux pas annoncer l'heure et tout et en même temps t'écouter parler. Ça va être dur. Hein. Tu disais quoi? Bon, je sais pas, ça va être dans 30 secondes. Et donc voilà quoi, c'était la première émission de la saison pour Nuisance. Ma gueule, blablabla, bonne nuit à tout le monde.